Chaque matin, je me réveille avec cette soif d'inconnu, de nouveaux horizons qui m'émerveillent, des paysages jamais vus. Mes yeux cherchent toujours plus loin. Montagne.